service de déification. Alors, avec l'auteur de la proposition, qui est Raphaël Lob, je ne sais pas si vous vous présentez ou si vous vous présentez vous-même. Oh non, moi, je voulais simplement dire que ce qui existe dans le dictionnaire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Dieu, le pluriel. Avec les sans X. Avec les sans X. Et le divin. Dont l'auteur, d'ailleurs, était dans les murs, là, mais... Oui. N'a visiblement pas le temps de venir. Ah bon, bon, je pensais qu'il était. Ce qui est bien dommage. C'est dommage. Hein. Ça aurait permis de confronter le divin à déification. Jean Lambert. Voilà. Et donc, on a trouvé effectivement que déification était un manque regrettable. Ça fait l'objet d'une bonne discussion lors du forum. Et dans la discussion, Camille a été un élément stimulant. C'est content de pouvoir bénéficier aussi de sa réflexion aujourd'hui. Voilà. Donc on a procédé de façon simple, hein, qui est que l'auteur de la proposition occupe quand même la part du lion. Hein. Et puis, il m'a semblé que la tradition occidentale, il y avait un ensemble de compléments possibles, plutôt une approche par la, disons, la logique philologico-historique qui pouvait être intéressante de capitaliser. Et puis, comme Camille a réfléchi aussi à la question, il n'en s'est pas consulté. Donc, il nous complétera, il nous corrigera, il apportera sa pierre personnelle. Enfin, voilà, c'est une séance de travail. Ben, donc, se présenter, est-ce que c'est vraiment bien nécessaire de se présenter? Vous voulez qu'on le fasse? Non. Non, peut-être. Bah, Raphaël est indianiste, moi je suis occidentaliste, et Camille généraliste. Quel médecin spécialiste. Sociologue, historien et anthropologue. Et divers autres. Voilà, ici dans une maison où ça circule d'art culturel, art culturel, de discipline disciplinaire. Ce qui rend le côté atelier encore plus intéressant. Important. Voilà. Donc, c'est Stéphane et Loi qui mâchent le travail. Donc Raphaël, nous sommes toutes oui. Merci beaucoup. Merci de donner la parole et je suis très très heureux que vous ayez accepté en tout cas d'approfondir un peu cette notice et puis qu'il y ait cette rencontre parce que je pense que ça va être extrêmement stimulant. Alors je laisserai le soin à Dominique de faire l'étymologie latine et la généalogie de l'emploi du terme déification dans nos langues. Et je me contenterai là simplement de rappeler la définition classique qu'on lui connaît, et là je la prends simplement au littré, la déification désignant d'une part l'action de placer au nombre des dieux, ou bien de prendre un caractère digne de Dieu, ainsi que son résultat. Et si j'ai choisi de présenter cette notice pour qu'elle puisse éventuellement être intégrée au dictionnaire, c'est qu'il me semble qu'elle présente deux intérêts majeurs pour les sciences sociales. Le premier, c'est qu'elle permet de préciser ou d'éviter l'emploi de certaines notions qui, à mon avis, sont trop culturellement connotées pour avoir une application large, telle que par exemple la notion de sacralisation. Qui suppose l'existence d'une distinction entre profane et sacré, qui n'existe pas dans nombre de cultures, ou l'idée de la notion de sanctification, qui, de la même manière, ne rend pas bien compte de certains processus dans des cultures. Et là, moi, je parle beaucoup de la région où je travaille, donc, puisque je suis, comme l'a dit Dominique, je suis indianiste. Et à l'inverse, le terme de déification est susceptible, à mon avis, de s'appliquer à des processus dans des institutions et des doctrines religieuses très diverses et qu'on considère souvent séparément. Le deuxième grand intérêt, me semble-t-il, c'est qu'elle permet de rendre compte d'un processus social, celui par lequel un humain ou un groupe d'humains accorde à lui-même ou à une entité extérieure, qu'elle soit humaine ou non humaine, le rang de Dieu. Car en effet, ce que je propose en fait dans cette notice, et que je soumets aujourd'hui à vos discussions, à vos remarques, c'est l'emploi de ce terme d'un point de vue strictement éthique. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas seulement de rendre compte de la manière dont les gens que l'on étudie pensent déifier certaines choses, autrement dit, la manière dont certains expliquent avoir fait Dieu de quelque chose qui ne l'était pas pour eux, mais bien l'ensemble des discours et des pratiques qui construisent l'existence de Dieu. Et je reviendrai un petit peu sur cette distinction entre la déification d'un point de vue éthique et d'un point de vue émique au cours de ma présentation, et je pense que ça s'éclaircira si jamais ce n'était pas tout à fait clair. Mais donc, utilisée comme ça, donc de manière très large, en prenant d'un point de vue éthique, cette notion permet selon moi de mettre l'accent non pas sur une donnée, à savoir l'existence d'une divinité pour les acteurs, mais bien sur les processus qui ont permis à ces acteurs de poser cette divinité. Ils rencontrent un processus social par lequel donc, un groupe humain accorde à une entité humaine ou non humaine le rang de Dieu. Donc d'une certaine manière, je prends un peu le contre-pied de notions telles que la hiérophanie d'Eliade. Voilà. Pour bien mettre directement, je ne pose pas Dieu, mais tout ce qui est Dieu a été fait Dieu, et donc je mets l'accent vraiment là-dessus, sur les acteurs et les processus de construction. Alors avant d'entrer dans le détail des différents éléments qui peuvent, à mon avis, entrer dans cette catégorie de déification, dans cette notion, je voudrais faire trois remarques. D'abord, la première, c'est que je suis assez conscient du caractère exploratoire de ma démarche. Je ne suis pas sûr que cette notice soit évidente pour tous. Elle l'est assez quand on travaille en Asie du Sud. Elle est assez utilisée, d'ailleurs. Et c'est là donc tout l'intérêt de la formule du dictionnaire, de la confronter avec des gens qui travaillent dans d'autres aires culturelles. Donc je remercie encore une fois Camille et Dominique d'avoir accepté. Deuxième remarque, je ne fais pas de distinction entre déification et divinisation. Et ça, on pourra en discuter. Il me semble, en tout cas dans les dictionnaires actuels, hein, que les dictionnaires actuels renvoient les termes l'un à l'autre, et on le trouve dans nos études utilisé de manière indistincte. Et il m'a semblé que déification, mais pour des raisons de consonance, était plus intéressante parce qu'elle permettait, par exemple, d'éviter quelque chose de trop proche que l'entrée de divination. Bon, vous voyez, donc c'est vraiment un choix qui peut tout à fait se questionner. Peut-être qu'il y aura une différence à faire entre divinisation et déification. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Et troisième point, j'assume mon identité d'indianiste, et donc je vais tirer un petit peu la couverture à moi, si vous acceptez, en prenant une grande partie des exemples aujourd'hui du domaine indianiste, parce que c'est celui que je connais le moins mal, et en laissant justement à Dominique, Camille, le soin d'ouvrir un petit peu à d'autres mondes. Mais je montrerai quand même à chaque fois, à partir de ces exemples, comment ils peuvent permettre d'intégrer, je pense, d'autres éléments. Voilà, et mon exposé se déroula donc en deux parties, très simples. La première qui s'intitulera « Faire Dieu » traitera vraiment de la déification en tant que processus social par lequel donc un groupe humain accorde à une entité qui est extérieure le rang de Dieu. Et la deuxième partie, intitulée « Se faire Dieu », exposera la déification en tant que démarche individuelle s'opérant du vivant d'une personne lorsqu'un être humain s'élève au travers d'une ascèse particulière dans la hiérarchie de la nature, jusqu'à prendre un caractère digne de Dieu. Et donc là, la notion, elle rend compte non plus d'un processus social, mais d'une sorte, d'une voie, celle de sa vie singulière. Faire Dieu, donc première partie, d'abord, la déification, donc faire Dieu, connaît des modalités très différentes, et elle peut concerner des entités, donc soit non humaines, soit humaines, vivants ou morts. Je commence par les entités non humaines. En Inde, les Védas, qui sont les textes les plus anciens qui nous sont... que l'on connaisse, n'ont pas conçu de représentation matérielle des dieux. En revanche, et c'est très important pour nous, ils ont développé l'idée que ces derniers possédaient des corps de mots que les officiants devaient construire par le sacrifice, par le rituel. Donc les dieux sont faits, si vous voulez, les corps des dieux sont faits de formules sonores qui sont prononcées sur la scène sacrificielle. Et les premières images que l'on connaît, qui sont les statues du Bouddha ou des représentations des maîtres Jain, ne sont à l'époque pas considérées comme des dieux. Les fidèles font des rituels auprès de ces statues, mais ne leur rendent pas culte, au sens où ils les considèrent non pas comme des dieux, mais comme des êtres. Qu'est-ce qui se passe? C'est fermé. Voilà. Donc ils ne les considèrent pas comme des dieux, mais comme des êtres qui auraient atteint de leur vivant la libération du cycle de la transmigration. Donc, ces images font l'objet de rituels, mais non, ce rituel n'est pas le résultat d'une déification. Un petit peu plus tard, hein, aux alentours de l'ère chrétienne, on va trouver des premières images avec l'hindouisme, l'émergence de l'hindouisme dans sa forme dévotionnelle, puis plus tard dans sa forme tantrique, Et alors on va avoir la déification de plantes, d'animaux, de symboles, même de direction de l'espace, de territoire, et qui tout vont devenir des images divines, donc vont être matérialisées au travers de statues, d'icônes, bref, d'objets de culte. Simplement, toutes ces images ne vont pas être divines au même titre, car toutes ne résultent pas d'un même processus de déification, et c'est là où je vais revenir sur la distinction que je faisais entre la déification unique et éthique. On a, et donc là c'est une distinction indigène, une distinction des images qui sont dites humaines, c'est-à-dire qu'elles vont être construites de la main de l'homme, elles vont être reproductibles, elles vont devoir suivre un certain nombre de règles iconographiques, et leur déification va se faire au travers d'un rituel particulier, le rituel de l'installation des souffles, qui vise à faire descendre la divinité dans son objet de représentation, et ainsi consacrer sa présence. Donc là, on est à proprement parler dans le sens de déification, au sens où les acteurs pourraient l'utiliser eux-mêmes, puisqu'ils ont transformé quelque chose, une image, qui pour eux n'était pas Dieu, ils ont installé Dieu dans cette image. À l'inverse, ils distinguent d'autres images qui sont dites des images non humaines, qui elles sont uniques, elles ne sont pas reproductibles, et ne nécessitent pas de rite d'installation particulier, car elles sont considérées elles-mêmes comme la forme sous laquelle le Dieu a choisi d'apparaître de son plein gré. Très important. Donc pour eux, il n'y aurait pas de processus de déification là. C'est Dieu. Pour autant, et c'est dans le sens où je souhaite employer le terme de déification, elles ont à mon sens bien été déifiées, au sens où la reconnaissance de leur caractère divin par un groupe social donné a requis une interprétation collective d'un ensemble de marques ou d'événements singuliers comme autant de miracles qui sont signes de l'identité divine de ces images. Pour vous donner un exemple très concret, une pierre, en fauchant un champ, on peut trouver une petite pierre, on va voir des traces rouges sur cette pierre, on va les identifier comme étant du sang, donc c'est une pierre vivante, c'est la divinité qui est là. Mais pour voir la divinité là-dedans, il y a tout un processus, la reconnaissance évidemment des signes, le fait que la personne qui a reconnu ces signes soit de confiance, que les autres aient effectivement vu cette pierre, etc. Il y a eu déification en ce sens. Quel qu'ait été son mode, le processus de déification va rendre l'image consubstantielle à la divinité. En témoigne dans le vocabulaire utilisé que souvent on ne distingue pas les deux. C'est-à-dire que les images sont qualifiées de deva ou de devata, c'est-à-dire de déité ou de divinité. Et c'est bien parce qu'elle est divine, qu'elle est animée, que les dévots vont la traiter comme un être vivant, en lui prodiguant un ensemble de soins délicats, en lui donnant à manger, en la faisant dormir, en la couvrant, etc. Sans lesquels, sans ces soins, les divinités pourraient s'absenter de son image, ou cesser de l'habiter. Donc il y a un processus, si vous voulez, de dédéification, le dieu qui sortirait de son image. Et cette anthropomorphisation de l'image qui fait que le dévot va prêter mentalement à ces dernières les besoins ou les réactions d'un être humain est considérée comme une réponse à son ardent désir de se rapprocher au plus près de Dieu jusqu'à vouloir le voir ou le toucher. Et je voudrais juste faire une remarque ici pour vous indiquer que, au-delà des accusations d'idolâtrie, disons, dont les hindous ont été l'objet, notamment par chrétiens ou les musulmans, la déification des images a elle-même fait l'objet de beaucoup de polémiques au sein de l'hindouisme lui-même. Donc tous les hindous n'accordent pas le même statut à l'image divine. Certains, par exemple, rejettent toute idée de processus de déification, pensent et n'y voient qu'une représentation et l'image n'est pas le corps de Dieu. D'autres vont accepter, mais à titre secondaire, que Dieu puisse réellement être dans l'image, en pensant que simplement c'est un moyen pour permettre aux dévots de se rappeler l'existence et la proximité de Dieu, mais quel est cet moyen est mis au service d'une prise de conscience plus large de la réalité divine impersonnelle et informe. En ce qui concerne la déification des humains, elle est évidemment extrêmement répandue. La première idée qui vient, c'est évidemment la déification des rois et des empereurs, qui est attestée en Inde un petit peu, mais aussi et beaucoup plus dans d'autres civilisations. Le terme consécration qui renvoie directement à l'acte spécifique par lequel l'empereur romain est déifié, par exemple. Donc là, il y a toute une ouverture qui peut se faire sur les déifications des empereurs comme assises du pouvoir royal. Dans les religions nées en Inde, on trouve de manière extrêmement répandue la déification des maîtres spirituels qui peuvent être adorés tels des images divines. cette forme de déification est particulièrement développée dans l'hindouisme qu'on appelle dit sectaire, qui se fonde sur la croyance en dans le caractère divin d'un maître fondateur. On va donc mettre en scène la vie de ce maître fondateur au travers de récits édifiants que les disciples vont aimer se raconter. Et le maître va devenir l'objet d'un culte à sa personne, s'il est vivant, ou à sa représentation, à son image, s'il est décédé. Et donc les maîtres sont réellement considérés comme des divinités, vénérés comme telles, et des dévots viennent recevoir leur vision sanctificatrice, leur darshan, comme ils viennent recevoir celle de Dieu. La déification des maîtres peut varier d'une tradition à l'autre et évoluer au sein d'une même tradition. Par exemple, un exemple très connu, c'est Chaitanya, qui est un célèbre dévot vishnouite, qui était considéré à l'époque comme un dévot exemplaire, et qui ensuite a été déifié par les théologiens sur plusieurs siècles, et qui est devenu le Dieu lui-même. Et aujourd'hui, il est vénéré en tant que Dieu, en tant que Dieu Krishna pour certains, et pour les vishnouites du Bengale, en tant que l'incarnation duelle de Dieu, de Radha et Krishna, dans un même. Donc on a un processus là, post-mortem, disons, de déification d'un maître spirituel, mais on a également des processus du vivant de la personne. Des cas bien connus dans ce siècle, pour rester proche de nous, le Ananda Mahima, qui a été considéré dès son jeune âge comme l'incarnation de la déesse, ou encore plus près de nous, Satya Sai Baba, qui, dans le sud de l'Inde, a été déifié et considéré de son vivant comme l'avatar de Vishnu de la fin des temps, Kali. Une petite remarque sur ce processus de déification d'une personne vivante, elle requiert de cette dernière évidemment qu'elle se laisse ainsi déifier de son vivant, et en adoptant les comportements qui sont attendus de la divinité, et cela peut laisser place à des situations cocasses, des hésitations profondes, et je vous renvoie simplement, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un film qui traite vraiment de la déification, c'est le film de Satyajit Ray, La déesse. 1960, qui est extrêmement, qui est magnifique. Un petit film que je préfère, où on voit justement cette jeune fille qui est déifiée de son vivant et qui se prête à croire. Et voilà, enfin, c'est extraordinaire ce film. Et on a des cas de personnes qui ont été déifiées de leur vivant et qui ont essayé de dénoncer publiquement ce que leurs disciples ont fait d'eux. Mais rares sont celles qui ont réellement réussi à se défaire de cette image qui a été projetée sur. Alors si on rencontre autant d'humains qui sont déifiés dans l'hindouisme, c'est que l'idée d'un dieu qui s'incarnerait régulièrement dans le monde y est particulièrement prégnante, notamment au milieu vishnouite. Alors il y a tout un tas de théories là-dessus, de formes divines, d'émanations, de manifestations, d'incarnations partielles, mais il y en a une qu'on trouve dans les littératures classiques hindoues qui est particulièrement... qui est la plus répandue, c'est la doctrine de l'avatar, et qui a été formulée par la Bhagavad Gita, qui est aujourd'hui le texte le plus célèbre de l'hindouisme, le plus connu pour les hindous. Et dans un dialogue de la Bhagavad Gita, Krishna, donc une des formes du dieu Vishnu, déclare « Bien que je ne sois pas assujetti à naître, puisque mon essence est immuable, je viens à l'existence par mon pouvoir magique. À chaque fois que l'ordre défaille et que le désordre s'élève, c'est alors que moi, je me produis moi-même, pour la protection des bons, la destruction des méchants, pour établir l'ordre, d'âge en âge, je viens à l'existence. » Mais cette déification de maître spirituel n'est évidemment pas l'apanage de l'hindouisme, on peut parler également de déification pour évoquer par exemple les bodhisattvas du bouddhisme ou les bodhisattvas du bouddhisme Theravada, etc. Un autre, donc là aussi, une ouverture assez importante qui peut se faire. Un petit point également sur l'édification d'êtres vivants, de leur vivant et de manière temporaire. On a dans certaines représentations théâtrales où il va falloir mettre en scène des dieux. On a des jeunes enfants, par exemple, en Inde, c'est très répandu. On va qui vont incarner les dieux dans un grand geste des dieux. Et pendant un certain temps, pendant le temps donc, de la représentation, ils sont réellement considérés, on les traite comme des divinités. Donc, ils sont déifiés, mais temporairement, et après ils reviennent à leur vie normale de jeunes. Ou au Népal, par exemple, on a des déifications des jeunes vierges, des jeunes kumaris, chaque année. Et enfin, on a la déification, et de manière extrêmement répandue en Inde, mais ailleurs, dans un grand nombre de religions, c'est la déification des ancêtres, qui est une grande forme de déification, me semble-t-il. Voilà, je ne vais pas être trop long, je vais passer à ma deuxième partie de mon exposé, donc sur la déification, l'autodéification, se faire Dieu. Alors c'est une pratique qui est particulièrement répandue dans ce qu'on appelle le tantrisme en Inde, en effet, qui est dans l'hindouisme tantrique, qui est une des formes les plus répandues de l'hindouisme. Selon l'adage des tantras, en effet, seul un dieu va pouvoir adorer un dieu. Et donc, pour honorer une divinité, l'officiant tantrique va d'abord, en premier lieu, devoir se déifier, en s'identifiant à cette dernière. Pour se déifier, il va faire tout un tas de récitations, de formules sonores, en même temps qu'il va faire des visualisations intérieures pour atteindre une sorte de méditation, ce qu'il appelle une méditation créatrice, dans laquelle il va se sublimer et temporairement être totalement associé à la divinité. On va se fondre, si vous voulez, dans l'image divine qui se projette intérieurement. Donc là, il y a une déification temporaire du prêtre, de l'officiant. Mais on a également des formes beaucoup plus radicales d'incarner d'autodéification qu'on retrouve qui vont s'incarner dans des pratiques ascétiques extrêmes, qui passent par la méditation sur des cadavres, des rites sexuels, des récitations hallucinatoires, etc. Et qui sont là réservées à des virtuoses, qu'on peut appeler yogis, renonçants, ascètes, et qui vise à rompre de manière radicale, c'est important, et définitive, les attaches qui lient le pratiquant à son identité humaine. Cette scission va se matérialiser de manière diverse, non exclusive, ça peut être par exemple l'adoption de marqueurs identitaires, un nom particulier, des habits, des marques corporelles, etc. Une discipline de vie spécifique, ou au contraire, à l'inverse, aucune discipline, une sorte de liberté totale vis-à-vis du monde. Donc vous voyez, dans ces deux cas, donc dans l'ascèse tantrique, qu'elle soit temporaire, celle de l'officiant, ou qu'elle soit douce et temporaire, comme celle de l'officiant, ou extrême et définitive, comme celle de certains ascètes, on a une autodéification. Et là, j'aimerais insister sur un point, c'est la différence qu'on va poser entre l'autodéification et la possession. En effet, contrairement à celui qui fait l'objet d'une possession, donc le possédé, qui a été saisi, souvent les premières fois de manière passive, par une présence autre, l'être qui va s'auto-déifier va s'emparer lui-même de cette puissance autre, il va être actif dans ce processus. En effet, alors par rapport au monde chrétien, la possession en Asie du Sud en diffère parce qu'elle peut, en plus d'être possédée par des démons ou des esprits, on peut être possédé par des dieux. C'est bien que ce soit lors de séances de divination, par exemple, ou alors lors de certains sacrifices, ou lors d'une pratique thérapeutique, ou de pratique dévotionnelle, le possédé va pouvoir devenir de manière temporaire l'instrument ou le temple d'une déité. Mais, à mon avis, il ne fait pas l'objet d'une déification au sens où j'emploie le terme ici. Tout au plus, il devient un instrument de médiation d'une puissance divine, mais il n'est pas cette puissance. Et d'ailleurs, les termes vernaculaires font bien la distinction. Le possédé est pris, il est saisi par la divinité, tandis que le tantrique est devenu cette divinité. Par ailleurs, dans les modalités aussi, il y a quelques différences, puisque le possédé va manifester sa possession au travers d'un acte de performance, qui peut passer par exemple par la transe du corps. L'individu, lui, qui s'est auto-déifié, ne manifeste pas nécessairement son nouveau statut par un comportement corporel particulier, singulier. Alors là, évidemment, on a toute une ouverture, d'abord avec toutes les distinctions, évidemment, possession, chamanisme, etc., qu'on peut faire rentrer là-dedans, donc une grande ouverture. Mais également, il me semble qu'il y a une ouverture qui peut intéressante, car évidemment, l'autodéification est très répandue dans l'hindouisme, parce qu'on est dans une tradition qui ne connaît pas de solution de continuité entre humain et divin. Mais il me semble qu'elle n'est pas non plus totalement étrangère à certaines traditions mystiques des grands monothéismes, où elle participe à l'union spirituelle par laquelle l'individu va faire une sorte de percée cognitif qui va lui permettre de rejoindre l'unité de l'essence divine. Une percée dans laquelle l'individu va dépasser les limites du moi jusqu'à parvenir à une sorte d'indistinction avec Dieu. Là, il y a aussi quelque chose, je pense, qui s'ouvre. et qui met en cause un peu les concepts d'individu et de divinité. Voilà. Alors la déification va s'inscrire évidemment dans des enjeux beaucoup plus larges, de pouvoir au sein d'une société, et que le chercheur va essayer de décrypter. Elle peut servir par exemple à intégrer l'altérité à une tradition locale, en assimilant par exemple certains cultes locaux à des doctrines plus élevées. En Inde, on trouve beaucoup ça. On va déifier certains esprits, par exemple, pour les ramener dans le panthéon. Elle peut également servir à imposer un pouvoir royal sur un territoire, ou alors elle peut servir à justifier une domination charismatique d'un maître sur ses disciples. En tout cas, notre rôle est évidemment d'analyser les formes et les institutions religieuses qui vont expliquer et permettre cette déification. Cependant, elle va évidemment poser un problème, et je terminerai donc là-dessus. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire, si on utilise cette notion, l'abstraction de définir et de délimiter le divin pour la société en question, ou la manière dont la société en question conçoit le Dieu. Donc la question de la définition, c'est l'idée du Dieu, et de sa désignation. En effet, la notion, finalement, d'une certaine manière, elle présuppose l'existence quand même de Dieu. Et donc, elle nécessite qu'on s'intéresse évidemment à l'organisation locale du Panthéon, à la mise en ordre des puissances surnaturelles locales, et de s'interroger donc sur ces conceptions uniques du religieux. Mais il me semble néanmoins qu'en posant vraiment le regard sur les processus qui permettent de justifier cette existence, on est... la notion de déification permet d'apporter un éclairage essentiel à la société en question, représentation qu'elle se fait des frontières qui existent entre le contingent, l'humain et le divin. Bien, merci beaucoup. Belle notice en perspective. Pleine de questions et de possibilités d'ouverture et d'élargissement. Donc, je pense que... Donc, quelques compléments en repartant des propositions de Raphaël. D'abord, je dirais, bien sûr, le rapport entre déification et divinisation, il s'impose. Et d'ailleurs, c'est probablement la seule voie facile à trouver lorsqu'on essaye de chercher des instruments de travail pour le domaine occidental. Comme Camille l'a remarqué lui-même, l'une des seules entrées très utiles, c'est l'entrée divinisation du dictionnaire de spiritualité. Le dictionnaire de spiritualité, qui s'est d'abord appelé le dictionnaire d'ascétique et de mystique, qui en est au tome 3, c'est-à-dire une rédaction des années 50, et on est dans un contexte où on s'intéresse bien évidemment d'abord au registre spirituel. Nous avons là une grosse notice, colonne 1370-1459, qui donne véritablement une référence sur... ce que c'est que la divinisation et l'accès à la grâce. Et d'ailleurs, d'article, les auteurs se sentent obligés de justifier cette longue article consacré à la divinisation dans l'étape suivante. La présente étude a pour but d'alléger les articles qui exposent la filiation divine, l'habitation de Dieu dans l'âme, et notamment la doctrine de la grâce. Autrement dit, on est au cœur d'une fabrique qui est une fabrique chrétienne. Deuxième élément dans lequel qui peut dans l'exposé de Raphaël nous permettre un point d'ancrage d'une perspective occidentale, qui est essentiellement latine, c'est la distinction entre faire Dieu et se faire Dieu. Alors là, on commence à rentrer dans de grandes difficultés, parce que stricto sensu, vous allez voir que je vais nuancer mon propos avec tout le recours au passif tout à l'heure, mais enfin, au sens propre du terme, se faire Dieu est un privilège divin, dans le contexte monothéiste du christianisme. Bien, alors, la première question que je voudrais poser, pour essayer de voir un petit peu quelle est la profondeur historique de ce terme déification en Occident, en prenant en considération, autant faire ce peu, un précédent païen polythéiste grec et latin, et puis ensuite le passage au christianisme, qui est en réalité la grande histoire de la déification, qui va nous intéresser. Première question, est-ce que déifier est une pratique familière au polythéisme? Dans quelle mesure est-ce que nous sommes invités par cette notice à a étudié le rapport différentiel entre monothéisme et polythéisme. Déifiait-il une pratique familière au polythéisme, spécialement polythéisme antique? Alors, première réponse que l'on peut donner à cette question, c'est celle que Jean-Louis Durand, je pense que c'est Jean-Louis, auteur de l'entrée polythéisme dans le dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie, qui caractérise le polythéisme d'une jolie formule comme une formation en cristal au sein de laquelle chaque dieu n'est jamais qu'une partie de lui-même. Donc, il oblige à penser à une espèce de configuration emboîtée et qui fait référence aux sociétés de l'Ouest africain, le Bénin et les Yoruba du Nigeria, en qualifiant le polythéisme de structure ouverte, le nombre de puissances n'étant jamais fini. Autrement dit, on peut créer, mais en créant, est-ce qu'on fait pour autant de la déification? Dans le monde antique, une pareille ouverture ne relève pas de la déification. On ne peut pas aller au-delà du monde antique, mais resterait à voir comment on peut caractériser dans le polythéisme généralement l'ouverture de cette structure et la création de puissances infinies. Dans le monde antique, ça ne relève pas de la déification. Comme l'attestent de façon concordante tous les grands dictionnaires que j'ai consultés, spécialement le Thésaurus Linguae Latinae, les termes déifier ou les termes déification, de déifico, déificare, constitué de deus plus facere, hein, faire Dieu, qui aboutissent à déificatus, déificatio, dont le correspondant grec est théosis, n'apparaissent que dans le lexique chrétien. Serait-ce en adaptant après coup le vocabulaire et les réalités mythologiques antiques? Par exemple, une scolie tardive fait de l'expression d'Horace dans les Carmina 3:3-34, Lucidas inire sedes, c'est-à-dire atteindre les sièges lumineux, eh bien, dans une scolie tardive, qui est une scolie du christianisme, on en fait une paraphrase poétique de déification. Et on a comme terme équivalent, hein, une espèce de jeu de glossateur, si vous voulez, on a comme terme équivalent l'expression d'Horace, déificari. Donc on voit bien qu'une réalité ancienne est considérée comme de l'ordre de la déification en contexte chrétien. Une enquête serait à faire sur la qualification déification de façon rétrospective à propos de la fabrique des dieux antiques, tel Jupiter par les latins tardifs, voire par les auteurs en langue vernaculaire de la fin du Moyen-Âge. J'ai trouvé en particulier des attestations intéressantes dans le dictionnaire de moyen français dès les années 1370, mais qualifiant toujours des opérations concernant l'Antiquité, mais vues dans une tradition qui est une tradition qui a connu le tournant lexical chrétien. Ce dont hérite la latinité chrétienne, c'est en fait un complexe polythéiste renvoyant tout autant aux héros, aux démons, bien avant que le christianisme ait démonisé, si je puis dire, les démons, et aux phénomènes qui leur sont afférents. Héroïsation, démonisation, donc autant à ces réalités-là qu'à la fabrication même des dieux. Avec une exception de taille, qui pèse lourd dans le legs de la romanité à l'Occident chrétien, la déification de l'empereur romain après Auguste, qui est en bonne partie une adaptation de l'héritage grec du roi philosophe, comme vous le savez, de la loi vivante, responsable de l'harmonie du mot, dont la figure est récupérée bien après par la modernité politique occidentale, avec les triomphes à l'antique des souverains de la Renaissance, qui sont complètement identifiés à des figures de déification, d'ailleurs c'est explicite, hein, à propos d'un ensemble de souverains représentés dans le cadre des triomphes, on dit, mais ils sont comme déifiés comme l'étaient les empereurs romains, ou encore, je pense, aux souverains comme dieu mortel de la philosophie politique, telle qu'il est mis en scène, par exemple, dans le Léviathan de Hobbes, hein, qui figure d'ailleurs dès la première édition du Léviathan, au frontispice, sous la forme d'un grand dieu figuré à mi-corps, qui contient les sujets qui le constituent. Alors venons-en donc justement au tournant chrétien en deux phases. Point préliminaire, j'insiste bien là-dessus, le vocabulaire de la divinisation, de la déification est étranger à la langue biblique. Première phase, c'est d'abord l'affaire de la patristie, qui est un temps d'adaptation, de récupération généralisée du lexique ancien à des fins nouvelles. Bon, ça c'est un grand classique. On va faire avec ce qui existe, mais ce qui existe en matière de déification, bah, c'est précisément un terme manquant, puisque l'héritage sur lequel vont travailler les pères, c'est l'héritage de la théosis et de la dynamique théurgique au centre de la philosophie platonicienne d'abord, et néoplatonicienne ensuite, qu'elle soit d'expression païenne ou ensuite, a fortiori, chrétienne. Le relais, mais le relais sans le terme déification, est assuré par le corpus néo-testamentaire, avec pour l'essentiel Jean 17-21, je le donne en traduction française, « Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'ils soient en nous, eux aussi. » Donc toute une problématique de l'incorporation. Paul 2 Corinthiens 5-17, « Ainsi donc, si quelqu'un est en Christ, c'est une créature nouvelle, ce qui est ancien a passé, voici pardon, qu'a paru du nouveau. » Galates 2-20, c'est la parole massive, célèbre, « Je vis, mais non plus moi, c'est Christ qui vit en moi, avec tous les compléments que vous connaissez, il n'y a plus de grec, il n'y a plus de juif, il y a une personne subsumée qui est précisément celle qui est habitée, qui habite en Christ. Galates 3.26, vous êtes fils de Dieu, c'est Christ que vous avez revêtu, le latin va dire Christum induistis, comme si finalement on récupérait une nouvelle peau, vous êtes du Christ, vos Christi en latin, ce qui est très intéressant, c'est la récupération d'un génitif. Voilà pour la première phase. La seconde phase, bon, je vais y revenir, bah, c'est un tournant très très intéressant, et d'ailleurs c'est ce qui m'avait impressionné lorsque j'étais sorti du forum et que j'avais été regarder mes dictionnaires après avoir écouté Raphaël, c'est de voir que finalement dans les dictionnaires du latin tardif, on a à partir des années 800 une invasion du vocabulaire de la déification avec le vocabulaire qui est donné en latin par le pseudonyme l'Aréopagite, qui est traduit dans les hiérarchies, sont traduites à partir des années 800. Nous avons là une poussée massive du vocabulaire platonicien et néoplatonicien. Alors, revoyons rapidement l'évolution du lexique, en commençant par la phase tardo-antique. Je dirais tout d'abord que nous avons une continuité biaisée. Alors, je vais m'expliquer tout de suite. Continuité biaisée, par exemple, avec une référence qui va être pesée lourd dans l'histoire, c'est Augustin, Cité de Dieu, 18-24, à propos de la déification de Romulus. Augustin, dépendant pour la reconstitution de l'histoire romaine de Tite-Live, l'histoire romaine, 1-16, dans lequel on nous raconte la fameuse histoire de la foudre, et ensuite de l'élévation de Romulus au ciel. Et on nous dit que Romulus est considéré par les Romains comme Dieu, fils de Dieu, roi et père de la ville. En latin, on ne parle pas de déification, mais on parle de Deum Deo Natum, Regem Parentemque Urbis Romane. Bon. Et c'est sûr que la transmission par Augustin de cette rivalité va être importante. Alors, je cite Augustin traduit, bon, c'est à un moment dans le livre 18... où Augustin fait une sorte d'équivalence entre les temps de l'histoire d'Israël et de l'histoire romaine. Il est amené à parler de Romulus, et il nous dit « Romulus mort est effectivement disparu. Les Romains le mirent, le fait bien connu du public, au rang des dieux. Usage depuis longtemps tombé en désuétude, je passe, et arrive le moment important, mais si les temps ultérieurs ne divinisèrent plus d'hommes après leur mort, ils ne laissèrent pas de considérer et d'honorer comme Dieu ceux qui avaient divinisé les ancêtres. » Là, nous sommes dans le vocabulaire de la divinisation, de la déification, de la divinisation, le vocabulaire contemporain, en faisant des équivalents. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne préfère pas un terme à l'autre. Je vais y venir tout de suite. Bon, nous avons donc une continuité biaisée dans la mesure où on récupère une réalité antique, mais en utilisant un vocabulaire qui n'existait pas antérieurement. Mais nous avons des créations lexicales proprement chrétiennes, parce qu'il s'agit de décrire une réalité qui est nouvelle, et ce que je dirais sous la forme d'une double invention. Une double invention qui fait que Deificus va recueillir deux acceptions. Première acception, la qualification du Dieu fait Dieu, si je puis reprendre l'expression de Tertullien. Deus Deificus. C'est un Dieu qui, dans la réalité trinitaire, d'une certaine façon, instaure, déifie d'autres instances. Une expression très forte, hein. Tertullien dans l'Apologie 11-10, Deus Deificus. Deuxième acception, la qualification de l'opération divine dans le sens de ce qui, pour reprendre l'expression de Cyprien dans une de ses lettres, 52-2, de ce qui est l'ouvrage de Dieu. Alors, y a-t-il une nuance entre déifier et diviner ? Y a-t-il une nuance à choisir déification plutôt que divination ? A priori non, sauf qu'on comprend bien que les nécessités de la dogmatique chrétienne lui ont fait préférer déification. Et pourquoi ? Parce qu'il s'agit de bien montrer, de bien serrer au maximum le mystère qui est celui de la création d'un dieu homme, d'un homme dieu. Bon, on va y revenir rapidement. Déifier, ça permet de qualifier ce qui se fait divinement au sens d'action de l'homme dieu et de ses miracles. On va souvent dire déifier et humané pour parler de l'action du dieu fait homme. Déifier, c'est aussi la voie sacramentelle. C'est aussi une grande richesse du développement de ce vocabulaire. Divine parce que les sacrements ont été institués par Dieu. De façon générale, ce second sens, cette seconde acception de Deificus, ce qui est l'ouvrage de Dieu, permet un vaste investissement de l'Église en tant qu'économie et visibilité de Dieu sur terre. On parlera ainsi dans des doubles noms qui se répètent très vite à partir du 5e siècle, 4e, 5e siècle, de Deifica et Ecclesiastica Disciplina, la discipline ecclésiastique et déifique. On va aussi parler de la Deifica Scriptura. On parlera des déifica, puisqu'on parle en neutre, hein, instrumenta. Autrement dit, c'est la modalité visible du divin sur terre, l'Église, qui hérite de ce vocabulaire. Avec, au cœur de cette évolution, un nœud polémique dans toute l'évolution des définitions christologiques. Les deux natures du Christ, selon des énoncés divers, vont nous donner un Deus humanatus, un homo deificus. On va aussi, je reprends l'expression du Concile de Francfort qui intervient dans la querelle christologique, hein, non homo deificus et humanatus Deus, sed Deus homo et homo Deus. Vous voyez à quel point finalement ce vocabulaire permet de jouer sur ces complexes christologiques. Et puis ça permet aussi de qualifier des déviances. Devenir Dieu après être né homme, comme le prétend Nestorius. Ou bien parler d'un Dieu qui est un fils adopté comme Dieu par le Père, comme dans le cas de l'adoptionnisme qui se répand au 8e siècle en Espagne. Sur cette base-là, on a des créations lexicales intéressantes pour notre propos. Trois créations notables. Le dieu déificator, qu'on trouve en particulier sur la plume d'Augustin, qui va qualifier le Christ comme étant celui qui assimile à Dieu. Le Christ opérator est déificator sanctorum, c'est-à-dire celui qui déifie, qui permet cette opération. Seconde création intéressante, l'homme création de Dieu, avec tout un développement. Celui qui porte Dieu, déifère, déifera, déiférum, qui porte la divinité en soi. Celui qui est porteur du souffle de Dieu, le déiflous. Celui qui est porteur de la forme de Dieu, déiformis, déiformiter, déiformitas, pour qualifier la part de la forme. Et j'en viens au grand mot, de l'imago divine dans l'homme. Troisième acception, la sanctification personnelle de l'homme, qui cherche à rejoindre Dieu dans la retraite. Et nous avons là tout le vocabulaire du renoncement, de la solitude dans l'ascèse, mais qui n'est pas un vocabulaire réflexif. On ne va pas dire « se faire Dieu », on va dire « être fait Dieu » dans la retraite. Deificari, c'est un passif. Deificari notio dit déjà Augustin dans l'une de ses lettres. Toute la question étant de bien essayer de bien repérer, ce que je n'ai pas fait, dans quelle mesure est-ce que les philosophies anciennes qui aboutissent à des techniques de soi, comme disait Foucault, le stoïcisme ou bien l'épicurisme par exemple, dans quelle mesure est-ce que cette continuité des techniques de soi va se dire en termes de déification et par quelle inflexion du vocabulaire des sagesses antiques comme le stoïcisme et l'épicurisme. Ça resterait à voir un petit peu dans la dynamique des travaux de Pierre Hadot. J'en viens maintenant au tournant carolingien. Le tournant carolingien est un tournant important qui est fait de tout un enrichissement du lexique dans un sens opérationnel. On va voir arriver des termes sous la plume des traducteurs du pseudo-Denis ou bien ces commentateurs comme Jean Scott Origène qui sont inédits. Je pense en particulier à l'adjectif deificans qui rend semblable à Dieu qu'emploie Jean Scott ou deificativus. Bon, la marque proprement dionysienne étant de considérer la déification comme un retour à Dieu, comme une assimilation à la divinité. Et nous avons à ce moment-là l'entrée de déification dans le champ sémantique de l'unification mystique, aux côtés des termes dionysiens d'assimilatio ou de coadunatio, assimilation et on va dire unification, coadunatio. C'est à ce même moment, une coïncidence qui est en soi intéressante, que se discute le vocabulaire aussi de l'image. Dans quelle mesure est-ce que la déification a à voir avec tout le traitement de l'imago? Dans une perspective d'anthropologie spirituelle, mais aussi dans une perspective du traitement des images médiatrices. Nous sommes en plein moment, le début des années 800, où l'Occident discute le problème de l'iconoclasme byzantin. Et je note sous la plume de l'un des protagonistes, le pape Adrien Ier, qui est le contemporain de Charlemagne, l'expression « absit anobis, ut ipsas imagines, deificemus ». Loin de nous, hein, eux qui essayent de tenir une position intermédiaire entre iconoclasme et iconodouli, loin de nous la volonté de faire des images des dieux, déificare. Et c'est à ce moment-là que ce que l'Occident va distinguer deux éléments qui sont importants au rapport des images, c'est l'articulation entre l'atrie et du lit, c'est-à-dire le fait d'honorer les images et de non pas les adorer. L'image pose de façon générale la question des médiations. Les médiations iconiques, mais aussi les médiations sacramentelles ou institutionnelles, je pense au clergé, relèvent du champ d'application du deificus. Le prêtre, en effet, fait Dieu dans le rituel du sacrifice de l'autel. Et dans l'Occident, on va même discuter de la place de l'artiste comme étant quelqu'un qui fait Dieu. Relevé par exemple au tympan des premières églises romanes, les mentions « me fecit ». Il y a toute une ambiguïté constitutive qui relève d'une problématique de la déificatio, c'est-à-dire de la façon de faire du divin dans le cadre des représentations. Bien alors, je terminerai sur un cas paradoxal qui est la divinisation au contexte de sécularisation. Il se trouve que je tombais hier sur un article de l'Histoire qui représente probablement les bonnes feuilles d'un livre en train de se faire d'un collègue de cette maison, Antoine Litti, qui travaille sur la construction des célébrités à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Et nous avons un cas de divinisation d'écrivain ou d'artistes très très intéressants, avec Jean-Jacques Rousseau, qui est d'ailleurs un des premiers hommes illustres à être rentré au Panthéon. Si mes souvenirs sont bons, 1794, je crois que le seul qui l'ait précédé est Mirabeau. Eh bien, je vous laisse lire très bel article de Ligeti dans le dernier numéro de l'Histoire. très très intéressant de voir comment ce personnage qui s'estime rejeté avait été construit son auto-divinisation. Mais alors notre Jean-Jacques, qui reçoit des lettres très très intéressantes, en particulier après la nouvelle élue. Je vous lis l'extrait de la lettre d'un éditeur, Charles-Joseph Pankouk, du 10 février 1761. Il lui parle de ses divins écrits, et puis il lui dit qu'il était à la recherche du bonheur, et il était en train de s'attiédir. L'amitié, l'amour, la vertu n'étaient plus que de vains noms puisés dans la société et hors de la nature. Il fallait un Dieu, et un Dieu puissant pour me tirer de ce précipice, et vous êtes, monsieur, le Dieu qui venait d'opérer ce miracle. Belle chute.